tout le monde! Hey, l'épisode numéro, les gars, c'est quoi, Jeff? Steven? 47 dans ce coin-là? 47. 47. 47? Ça, c'est en comptant celui qui n'est pas encore mis en ligne? Je pense que oui. Ok! Hey, bienvenue à l'Horror Gamer Show, tout le monde! Sébastien au micro, et avec moi, j'ai une équipe super réduite. Et elle sera peut-être encore plus réduite au courant du show, vous verrez. Ou augmenter. Vous les avez entendus. Ou augmenter. Ou augmenter, peut-être. mais pas augmenter avec quelqu'un de très pertinent. Ça, je vous l'ai dit. Ben, vous l'avez entendu, Jean-François Tremblay est avec nous. Salut Jean-François. Salut Monsieur l'animateur. Yeah! Pourquoi, ouais, ben, pourquoi ça, c'est pas notre vieil animateur qui est là? Ben, parce que le vieil animateur, il est ben trop vieux, puis il est fatigué, puis ouais. Il veut pas être là. Il nous aime plus. Il aime trop. Mais non, Pierre a bien d'autres choses à fouetter sur cet site. Et côté horaire, ça donne pas en tout pour enregistrer. Donc, ben écoute, il nous a dit enregistrer quand même. Maintenant, show must go on. Alors, je prends la relève. Et on a l'autre avec nous. Le petit Steven François. Salut Steven. Salut Monsieur Sébastien, l'animateur. C'est un drôle de surnom. Non. J'essaie d'avoir un accent nazi, mais ça n'a pas marché. Non, okay, ben c'est pas grave parce que il n'y a pas le grand accent nazi qui fonctionne dans les deux films qu'on a vus. Hey, les gars, on a quand même un gros programme. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode thématique comme ça. On faisait souvent des tours de table, mais là. Vraiment, vraiment le fun de revenir avec une thématique. Moi, j'ai un petit faible pour ces épisodes-là, je vais vous l'avouer. Surtout quand on est des films jasés comme ceux de ce soir. juste avant, je pense qu'on a quand même un petit round-up de nos trucs à jaser parce que je voulais... ça fait quand même longtemps. Là. Avant que tu embarques dans la discussion, je voulais juste. Oui. Ça fait longtemps, là, fait que santé tout le monde. J'ai ma bière d'Halloween. Une petite pumpkin ale pour JF. Moi, j'ai une Guinness, mais pas trop ce soir si je veux réussir à me lever au courant de la nuit. D'accord. Et moi, j'ai une vieille chippie du dernier show qui traînait dans le réfrigérateur. Une bonne chippie. Très bon. Alors, oui, mais c'est ça, on a pas mal de trucs à se jaser. Ça fait longtemps, c'est quand la dernière fois qu'on a diffusé un épisode? Mois de juin, même le dernier n'est pas diffusé, sur ce YouTube seulement. Mois de juin, je crois. Ouais. C'était comme le temps, mais bon, Pierre était très occupé cet été. Bon, de toute façon, tout le monde est occupé l'été. Et moi, j'ai eu mon petit pouls qui est venu au monde, qui a 5 semaines depuis quelques jours. Donc, on avait bien d'autres choix à fouetter. Mais c'est pas grave, c'est cool. On est content de revenir avec vous. Puis là, ben c'est ça. Les gars, comment ça se passe, le bras de fer? Ça se passe bien, ça se passe très bien, je trouve. Vous n'avez pas arrêté, là. Vous prenez pas de break. Non, non, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. J'ai des troupeurs. Ben, le bras de fer des films, on continue. On a un épisode qui s'en vient la semaine prochaine, qui va être un épisode régulier, qui va être porté sur deux films marins, un peu comme ce soir. le classique, ça va être l'aventure du Poséidon, puis le navet, ou Nanar, c'est... City Hunter, c'est bien ça, Steven? Oui, c'est bien ça. Avec Jackie Chan. Dernièrement, on a fait un épisode avec un ami français du podcast Chaos Theory. C'est un épisode sur Deliverance et Cannibal the Musical. C'était très, très le fun. Puis ça, on a nos épisodes live sur YouTube aussi de temps en temps. Puis on a quelque chose qui s'en vient. Je ne l'ai pas annoncé nulle part, mais on a quelque chose qui s'en vient à la fin octobre. Je le dirai pas tout de suite, mais on va aller voir un film au cinéma qui est relativement attendu, puis on va revenir en parler dans un épisode spécial pour dire est-ce que c'est une réussite ou c'est un échec total. C'est Crimson Peak. Non, mais je vous laisse deviner ce que ça va être, mais on va avoir du monde qui vont participer aussi, fait que ça va être intéressant. Mais c'est ça, allez sur le bras de fer des films.com ou sur notre page Facebook, tout est là, fait que c'est ben cela. Oui. Excellent. Puis, écoutez, de mon côté, fond de regarder des films, j'en parle plus. Mais ça continue. ceux qui voient la webcam présentement, là, je suis dans la pièce qui sera mon futur endroit. D'un autre angle, ça prend plus de forme. Mais vous comprendrez qu'avec un petit pouls dont il faut s'occuper 24 heures sur 24, le montage, c'est le dernier de mes soucis. Et c'est ça. Il y en a aussi qui nous ont fait remarquer, vous avez plus de site. C'est vrai qu'on n'a plus de site, horrorgamer.com, si vous allez là, il se passe plus rien. Là. Et à cause de tout ça, ça nous a fait perdre aussi notre iTunes, ce qui est très dommage quand même. Mais là, on est en train de régler ça. On a un nouveau site qui est en chantier. Jeff m'a aidé pas mal à identifier les épisodes parce que oui, on a des MP3, mais on sait juste pas c'est quoi les épisodes, donc C'est faut les tellement réécouter pour. drôle d'écouter les premiers épisodes qu'on a, les plus vieux qu'on a, parce qu'on n'a pas toutes, on n'a pas les premiers, là, je pense qu'on a juste Non, à je pense partir du qu'on numéro a parlé de 13. 13. Puis Ouais. j'écoutais les premiers 13, 14. Ben, le 14, 14e t'apparaît dessus, Seb, je pense. Mais Oh. le 13e, t'étais pas encore là. Fait que le 13e, il n'y a aucune de nous trois qui est là. Puis c'est juste drôle, t'sais, c'est Pierre avec la Steph. première équipe, t'sais, c'est ça, t'sais, si je peux appeler ça de même, là, Steph, puis Kevin, puis René. Puis c'est Oui. juste drôle d'entendre cette gang-là. Puis c'est un autre format, t'sais, dans le fond, c'est un peu différent. Ils parlent beaucoup, beaucoup plus de jeux vidéo, Oui. puis c'est ça, c'est juste intéressant à réécouter. Quand ça va être en ligne, je vous invite à réécouter les premiers épisodes. Je pense que vous allez vous amuser à voir la différence. Oui. Oui, ça va être vraiment le fun. Puis attendez-vous pas à un site à tout casser, là. On y va simple. Les épisodes seront disponibles, l'historique, tout ça. Puis une page pour nous contacter. Puis peut-être une page de bio de la gang, mais même là, qui c'est qui lit vraiment ça? Donc si vous voulez nous connaître, ben venez nous voir sur Facebook. Donc c'est ça, le site devrait être disponible quand même bientôt. On regarde si on peut récupérer l'ancien feed de iTunes, mais d'après moi, on va être obligé de s'en faire un nouveau. J'espère que vous allez tous vous réinscrire parce que c'est bien plate de perdre des auditoires comme ça, des auditeurs, parce que il y a un fuck avec l'hébergeur, puis le nom de domaine, puis l'iTunes, puis tout ça. Puis là, j'ai enlevé ça des mains de Pierre, là, fait que ça devrait plus causer de problème. Feed burner for the win, tout le monde. C'est une leçon à apprendre si jamais vous voulez faire du podcasting. Ça sauve des vies. Et ça sauve aussi de la patience. Quoi? On a Luigi Manini qui a mentionné Han Solo carbonisé. Fait que je pense qu'il a écouté l'épisode de 6 heures au complet pour dire ça. Si tu t'en rappelles, évidemment, Seb. Eh boy, non. On avait discuté de Han Solo carbonisé, que ça coûtait au-dessus de 2-3 000 piastres Eh boy, d'acheter. ouais, ok. Eh On avait quelques verres dans le nez. Donc, oui, c'est ça. Donc, on a le site qui s'en vient. On a aussi, on a Pierre qui est rendu qui fait énormément de Twitch. Je sais pas si vous avez suivi ça un peu, les gars. Steven, je pense que je te vois de temps en Ouais, temps sur Twitch. j'ai regardé une couple d'épisodes, c'est vraiment le fun. On a beaucoup de Oui. plaisir à redécouvrir des vieux classiques de jeux, puis voir Pierre en même temps, puisqu'on ne le voit plus très Ben souvent. oui. C'est ça, ceux qui se demandent, bon, Twitch, c'est quoi? Ben, c'est le côté gamer de Horror Gamer, finalement. Je pense que c'est là-dessus que ça va devenir un peu la forme gamer. Puis, c'est une forme qui est vraiment intéressante. Le Twitch, c'est une plateforme un peu comme YouTube, mais sur laquelle on diffuse en direct des gameplays de jeux vidéo. Donc, Pierre essaie de faire ça surtout les samedis soirs vers 8h30, 9h, surveiller la page. Mais Pierre se branche sur Internet, puis diffuse en direct le jeu auquel il joue avec la webcam. On peut chatter avec, passer des commentaires, l'aider pendant le jeu si jamais il est bloqué, dire des niaiseries. C'est toujours bien le fun. On a une petite gang qui revient souvent. Là, on a Audrey, on a Sako, je sais plus Sako quoi. mon gros, je Sacré pense. mon gros, Ouais, hein? Sako mon Ouais, gros. c'est ça. Puis là, il y en a un autre qui va me détester parce que j'ai oublié son nom. Puis là, j'ai des yeux de chevreuil devant les phares parce que je sais plus. Mais écoute, je pense à toi aussi. Mais donc, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment trippant. Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, les Twitch, et je suis accro. Puis Pierre a tendance à jouer en plus à des jeux qu'on n'est pas habitué de voir. Soit des jeux indépendants ou, comme t'as dit, Steven, des vieux classiques. Donc, c'est bien le fun. Allez, allez, Puis jette l'œil, surveille la ta page. chaîne, c'est le nom, c'est Horror Gamer, je pense, hein? Horror Gamer sur Twitch. Donc, on peut aller visionner ça. Et je sais pas si on a l'historique des épisodes, par exemple. Peut-être aller jeter un coup d'œil. Ah, Des fois, on peut peut-être, ouais. regarder des anciens épisodes. Pas au complet, mais il y en a Ouais. quelques-uns. Ça, Twitch ne garde pas un historique très, très complet. Donc, ensuite, écoutez, là, je regarde la liste de ce qu'on a jasé. Ben, on a jasé des 31 jours d'horreur, bon temps, ça a commencé hier. Je suis vraiment content de la participation. On a créé un événement, 98 participants jusqu'à maintenant. C'est déjà plus que l'an passé à la dernière journée. Donc, C'est c'est génial. bon. On avait eu 89 participants l'année passée. Là, on en a 98. Puis, je crois que plus ça va parler, plus on va en avoir. Donc, c'est vraiment trippant. Regardez, là, suivez ça, partagez, commentez. On veut vous entendre parler des films que vous écoutez pendant les 31 jours. Même si vous ne le faites pas tous les soirs, il n'y a pas de loser, puis il n'y a pas de mauvais choix de film. Vous le savez, là, on n'est pas du genre à taper sur quelqu'un pour ses mauvais choix de film, excepté pour Steven. Ça, lui. Pourquoi? Ah, ben regarde. Pierre m'a demandé de t'écœurer un peu. Il trouvait que j'étais un petit peu trop gentil avec toi. Mais regarde, Steven, entre Pierre et moi, il y a une différence. Fait que je vais juste essayer d'aller dans le milieu. Ça va rester sympathique. Ok, c'est correct. C'est Mais tu correct? sais, Je même. Je sens l'amour à travers de ça, fait que ça me Oh, dérange c'est pas. ça, écoute. Mais tu sais, même moi, je participerai pas à tous les soirs non plus. Ça va être très sporadique. Ça va dépendre de comment je file, puis du temps, puis tout. Puis il y a tellement de séries. C'est un site, tu sais, que je me dis avec Scream Queens, avec ceux qui veulent soit écouter ou bien réécouter Scream sur Netflix, Sur puis Netflix, très Ash belle. versus Evil Dead qui s'en vient au milieu du mois, je pense, ou à la fin du mois. Oui. Je veux dire, notre quota d'horreur va être rempli pas mal dans le mois, là, quand même, tu sais. Ça va être un très Puis beau mois d'horreur. American Horror Story Hotel, ça s'en vient, je sais pas trop quand, là, Oui, mais également. tu sais, je veux dire. Et pour ceux qui seraient intéressés, j'ai remarqué que sur le Netflix Canada, ils viennent de rajouter le documentaire de Nightmare qui parle des problèmes Ils l'ont de mis là? sommeil. Oui, ils Sur l'ont mis. la paralysie du sommeil? Oui, il est là. Ouais, paralysie du sommeil, Ah. fait que ça peut être un choix intéressant pour votre 31 jours d'horreur. Oui, sauf que on n'en a pas, on n'en jasera pas bien, ben, mais un petit warning de ce que j'ai entendu dire, ceux qui souffrent de paralysie du sommeil, n'écoutez pas de Nightmare. Parce qu'il paraîtrait que ça en cause. Ouais, vraiment, ça a l'air que c'est pas le fun pour ceux qui en font. Ils en font après l'avoir écouté. Euh, c'est comme Puis un trigger. dans la page des 31 jours, j'ai mis des liens de d'autres places que vous pouvez trouver des films aussi, que ce soit sur Crackle, sur Shoutfactory.tv, des faits comme ça. Fait qu'il y a un post là-dessus. Fait que. Ça, c'était génial. T'en as mis que je ne connaissais pas et va Puis chez le diable, parce allez voir, tu sais. Puis faites des que. découvertes, puis dites-nous-les, puis ça peut nous pointer vers d'autres films intéressants qu'on ne connaît pas. Fait que. Yes. Soyez Oui, parce que c'est ça, les curieux. 31 jours d'horreur. C'est un moment de partage, tu sais. C'est C'est comme si pas on un était une moment grande famille. de. Ouais, puis on dirait qu'il y en a qui en font un concours de qui écoute le film le plus original à soir, tu sais. Alors, ce soir, c'est Suspiria sur la liste. C'est bon, Suspiria. On peut-tu écouter Suspiria sans être obligé d'écouter l'affaire sortie de nulle part que le gars en VHS puis que c'est un bootleg de. En tout cas, tu sais. Mais Ouais. c'est un bon choix pareil, mais c'est ça. Ouais, je trouve que cette année, ta liste, parce qu'on va le dire, c'est toi qui l'as établi, je pense, ben avec les votes du monde un peu, avec des Oui. suggestions du monde, mais tu sais, ta liste est plus traditionnelle cette année, je pense, que l'année passée. Je pense qu'on peut dire ça L'année de même. passée, oui, en effet, je suis allé plus traditionnel cette année. Mais je te dirais que cette année, sérieusement, quand j'ai regardé les suggestions, j'avais beaucoup de traditionnel. Ouais. L'année passée, j'avais des choses qui venaient de nulle part. Cette année, j'ai eu beaucoup, beaucoup de traditionnel. Et ben, c'est ça. Moi, quand je fais la liste, il y a un peu le désir de mettre des films qui vont être accessibles. Oui. C'est sûr que, tu sais, là, j'ai peut-être mis Rabbit Grannies, Mémé Cannibale en avant-dernier. Pas tout le monde va réussir à se trouver Mais il doit être une sur copie de YouTube. Ils ça. ont une chaîne Trauma, ils ont une chaîne, puis ils mettent tous les Ouais, films c'est vrai, là-dessus. t'as raison. C'est pour Il ça que je l'ai est mis cette justement année. sur YouTube, trouve facilement. Sinon, le DVD est au Walmart, pratiquement dans tous les Walmart à 5,99. Ouais, mais c'est ça. Mais regarde, mon but c'était de mettre des films qui étaient quand même facilement trouvables. J'ai reçu des suggestions. C'était tous des films de 2015 qui étaient passés au cinéma. Puis là, tu te dis, ben là, c'est parce que le seul moyen de les avoir, c'est de les télécharger illégalement. Non, Je mettrais pas ça sur la liste, là, tu sais. non. Je pense que j'ai mis Turbo Kid parce que je sais qu'il est sur iTunes. Oui. Puis Crimson Peak parce qu'il va être au cinéma pendant le 31 jours d'horreur. Mais oui, c'était une liste très conventionnelle. J'en conviens, mais c'est Mais pour c'est ça parfait, que là, je c'est te laisse pas ouvert à une tout le critique, monde là. de. Non, je sais, mais c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde d'aller choisir le propre film. Puis tu sais, je me suis rendu compte que même à travers une liste conventionnelle comme ça, il y en avait sept que j'avais jamais vu. OK. Fait que, regarde, Tu sais, moi, on en découvre. j'en parlais justement avec Steven il n'y a pas si longtemps que ça, puis je disais que cette année, si je participais, j'avais pas pris de décision encore. Si je participais, ça serait des vieux films pour. L'année passée, je me suis un peu brûlé, je me suis un peu essoufflé avec ça, mais. C'était tous des films que je découvrais. Tandis que cette année, je me suis dit, ça serait le fun de voir mes vieux films à moi, mes vieux classiques à moi, parce que pouvoir trouver le goût d'Halloween un peu, que des films que j'ai pas pris le temps d'écouter l'année passée, tu sais. Puis c'était, ben, il y avait un peu de ça aussi. Là. L'année passée, il y avait même pas de, il y avait pas d'Halloween, il n'y avait pas de Friday the 13th, il n'y avait pas de Nightmare on Elm Street. Tu sais. Je pense que j'ai pas mis Nightmare on Elm Street cette année parce que j'ai mis d'autres films de Wes Craven. Évidemment, on met du Wes Craven. Bien sûr. Fait que j'ai mis, je pense que j'ai mis Shocker et People Under the Stairs. Ouais. Ouais, je voulais que le monde aille fouiller un peu dans ces. C'est moins classique. Mais c'est encore drôle, tu sais. On a eu plusieurs commentaires des auditeurs, puis il y en a plusieurs qui semblent avoir pas vu une grosse partie de la liste. Fait qu'on va quand même faire découvrir les classiques à ceux qui sont pas facilement initiés au cinéma d'horreur. Mais oui, tu sais, puis regarde, il y en a là qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie, un 31 jours d'horreur, puis il y en a qui découvrent le cinéma d'horreur. Moi, je dirais, là, quelqu'un qui découvre le cinéma d'horreur puis qui veut s'y intéresser, là, c'est probablement une des meilleures listes, là. De tout là-dedans. Puis si vous pouvez pas le faire en un mois, ben prenez la liste puis faites-le sur 2-3 mois, c'est pas grave. C'est voilà. Mois d'octobre, c'est pas le seul mois qu'on écoute des films d'horreur non plus. Là. Non, c'est ça. Exactement. Donc, alors, 31 jours d'horreur, inscrivez-vous. Partagez. Puis même, tu sais, je vois du monde cliquer sur peut-être. Cliquez sur je participe, puis regarde. Ouais, je devrais. Je vais aller changer mon peut-être. Peut-être, c'est que tu t'en vas quelque part. Là. Ok, je veux savoir que peut-être tu vas venir avec moi au billard. Là. Que peut-être tu vas écouter des films ou non, je m'en fous. je voulais terminer, les gars. C'est vraiment là, c'est un shout-out de dernière minute parce que j'ai vu ça passer ce matin. Puis c'est sûr que ça visera pas tout le monde qui nous écoute, donc je veux pas passer une éternité là-dessus. Mais je me suis rendu compte qu'une de mes amies, que je connais depuis longtemps, mais qui j'ai perdu de vue, je la vois passer sur Facebook aujourd'hui, puis je me rends compte qu'elle fait une exposition de peinture inspirée de films d'horreur. Oh, puis, cool. Ouais, au lac Saint-Jean. Bon, on a des auditeurs de partout, là, mais je sais qu'on a des auditeurs de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et tout précisément à Dolbeau. Et je voulais juste glisser un mot là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment cool. Tu sais, elle fait ça pour la première fois. Là. Elle, là, j'ai fait une mini-entrevue rapidos pour savoir un peu tu sais que ça part, tout ça. Elle, ça fait 3 ans qu'elle peint des étoiles inspirées de films. Là, elle en a 22 de fait, puis elle trouvait ça cool parce que chez eux, c'était tout dans la même pièce, puis elle trouvait que ça donnait un bon feeling, puis elle s'est dit, coudonc, je pourrais peut-être aller exposer ça quelque part, tu sais. Puis la bibliothèque municipale de Dolbeau a décidé, ben oui, pour le mois d'octobre, why not, on expose tes étoiles, on va les montrer là. Il y a eu un vernissage hier, c'était très cool, là. Écoute, étant donné que c'était des peintures par le cinéma, il y avait du popcorn qui était distribué par des zombies. tu sais, c'est le genre d'événement que tu fais, hey, pourquoi pas, là? C'est vraiment. Est-ce qu'elle a un site ou une page Facebook? Hein? Est-ce qu'elle a un site ou une page Facebook? Un site ou une page Facebook, ouais, c'est L-O-R-Y. On peut pas voir grand-chose, malheureusement. L-O-R-Y, en effet. Puis vous allez voir, là, je pense, elle a 21 personnes qui aiment ça. Là. Donc, ce serait cool que tout le monde aille liker sa page là, d'un coup sec. Là. C'est pour ça que je voulais en parler en début de show. On prend une pause. Là, tu t'en vas sur Facebook. L-O-R-Y, tu likes. Tu verras après. OK? Donc, on continue. Mais donc, c'est ça. Pour l'instant, là, elle s'inspire de films d'horreur. Elle a commencé à en faire un peu de ses propres créations à elle, mais rien encore assez pour faire quelque chose de thématique puis de faire une exposition là-dessus. Mais regarde. Moi, je me souviens, cette fille-là, c'était. Peut-être si vous mettez ami avec elle, vous allez la découvrir. Elle, c'est la première personne de ma vie, là, je pense, là, 13 ans. Je savais pas que ça se faisait, mais du monde qui se déguisait aussi intense que ça à l'Halloween, là. Tu sais, là, que tu connais la personne, mais quand t'as voix déguisée, t'as la chienne, là, tu sais. T'as déjà à faire pousser des tuyaux qui sortaient de la tête puis des affaires de même, là, tu sais, là. C'est sa photo de profil, c'est un maquillage qu'elle s'est fait à elle-même et c'est vraiment malade, là. C'était, passer un Halloween avec elle, c'était solide en salle. Je me rappelle, là, on allait veiller d'un bar, puis elle était comme hors concours d'un concours de déguisement. Là. C'était digne de cinéma. Tout le monde lui donnait des drinks gratuits parce que Je suis même pas sûr que tu es capable de les boire tout le temps, tu sais. C'est pas le genre. c'est ça. L-O-R-Y. Vraiment, allez jeter un coup d'œil. Ça vaut la peine juste pour l'encourager. Je pense que c'est le genre d'initiative que je trouve trippant. Et là, elle m'a dit, pour le mois d'octobre, elle est à Dolbeau, à la bibliothèque municipale. Mais là, je cherche. Au mois de novembre, elle sera Colin, je m'excuse tout le monde. Je cherche, elle m'a tellement écrit de stock. Au mois de novembre, oui, c'est ça. Au mois de novembre, au Coureur des Bois, une microbrasserie à Dolbeau aussi. Et l'an prochain, à l'Hôtel 54. Je ne sais pas c'est quoi l'Hôtel 54, mais écoute, regarde. Donc, elle commence déjà à exposer un petit peu. C'est trippant. Elle se base beaucoup sur les personnages de Jim Henson, qu'elle dit, et Brian Froude. C'est ça. Donc, des peintures comme Critter, Freddy, Chucky, tous des trucs inspirés là-dessus. Et j'ai surtout très hâte de voir ses propres créations, parce que d'avoir les costumes qu'elle se faisait, je crois qu'on va avoir de quoi d'assez fly. Donc, voilà. C'était le petit shout-out que je voulais faire. Est-ce qu'on oublie quelque chose ou on est prêt à commencer ce show? Moi, j'ai liké sa page dans les dernières minutes, fait que je vous invite à aller le faire aussi. Steven, j'espère que tu l'as fait toi aussi. Ben oui. Bon, OK. Alors, on commence. Ouais. Fait que c'est ça, on est de retour. On va parler de nos films de la soirée. Et Sébastien va aller prendre une petite pause pour s'occuper de son bébé et tout ça. Il va probablement être de retour tantôt. Fait que on va commencer, moi puis Steven, on va parler de Léviathan. Yeah! Qu'est-ce qui nous avait poussé? Peux-tu me rappeler qu'est-ce qui nous avait poussé à choisir ce thème-là, premièrement, puis le film Léviathan? Avant de faire cet épisode-là, on avait fait un autre épisode que j'ai complètement oublié le thème, ça fait trop longtemps, mais on avait mis une liste de suggestions sur notre Facebook d'Horror Gamer, puis on a laissé dans le fond les gens choisir les deux films qu'ils auraient envie qu'on fasse. Fait que les deux films qui ont eu le plus de votes, on a fait un show là-dessus. Fait qu'on a recommencé, puis on a décidé d'y aller avec un thème marin, un film avec les créatures, tout ce qui se passe dans l'eau. Fait que dans le fond, les gens ont juste choisi Leviathan et Shockwave. Ce qui m'a étonné, Shockwave, ça m'étonne un peu moins parce que c'est quand même considéré comme un classique, mais Leviathan, je pensais que le monde aurait peut-être choisi d'autres films plus. Comment je pourrais dire, plus classique que Leviathan, parce que c'est pas un film forcément tant parlé que ça. Là. Je me rappelle, moi, j'avais acheté le DVD au Future Shop, puis j'étais tombé dessus par hasard, puis je savais même pas que ça existait. Tu vois, j'ai l'opinion contraire. Moi, j'avais déjà vu Shockwave il y a très très longtemps, j'en avais gardé aucun souvenir mémorable, puis Leviathan, au contraire, je l'ai vu deux trois fois dans ma vie, puis... C'était pour moi, c'était... Ben, c'est le petit frère pauvre de Abyss, là, pour moi, là, mais... ça reste un film divertissant, en tout cas, on va en reparler. Là, mais, Fait que Léviathan, en gros, c'est premièrement, c'est un film réalisé par George P. Cosmatos, le réalisateur de Rambo 2 puis de Cobra. ça date de 1989, ça met en vedette Peter Weller, qui était notre ami Robocop, Richard Crenna, qui était justement dans les Rambo, qui était le général, j'ai oublié son nom. On a Amanda Pays. Daniel Stern, pas Daniel Steele l'auteur, mais Daniel Stern, qui jouait dans Home Alone puis dans plusieurs autres films. On a Ernie Hudson, notre black de service dans Ghostbusters. Et on a, je remarque Hector Elizondo, qui est un acteur que je connais, qu'on a vu dans plein de films, mais qui vous dira peut-être pas grand-chose. C'est l'histoire d'une gang de mineurs dans le fond de l'océan qui vont tomber sur une épave qui contient... une sorte de créature hybride, c'est quelque chose qu'on va apprendre plus tard dans le film, mais on va spoiler un peu, qui contient donc une créature hybride qui va être comme ramenée dans le fond par deux des mineurs sous la forme d'une boisson au début, puis c'est un peu étrange, là, mais ça, ils vont prendre en prenant la boisson, ils vont comme s'infecter avec la créature qui va comme s'infiltrer en eux, puis les transformer peu à peu. Ça se veut une sorte de... sorte de sous-alien, si on veut. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était un croisement entre Alien et The Thing. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est le feeling qu'on a tout le long du film. C'est du Alien puis The Thing. C'est Alien puis The Thing. Puis peut-être juste en disant les noms, Jeff, il a dit au niveau du casting, ça vous dit pas forcément quelque chose, mais quand vous écoutez le film puis vous voyez la tête des personnages, c'est fou comment le casting est quand même bien rempli. Il n'y a pas un acteur dans l'eau, je pense, qu'on connaît pas. Non, c'est ça. Puis c'est tous des personnages, justement, c'est tous des acteurs qui ont fait des personnages secondaires dans plein de films. Genre, puis qui sont tous importants dans l'histoire du cinéma américain des années 80-90, mais tu sais, qu'on connaît pas nécessairement les noms, à moins qu'on soit vraiment fan de cinéma, là, tu sais, j'en connaissais quand même plusieurs, mais c'est ça, tu sais. Mais c'est un très bon casting, comme tu dis. C'est un bon casting, puis je veux dire, le film avait tout pour réussir. Je veux dire, on a un casting de malade. Il y a Stan Winston qui s'occupe des effets spéciaux puis du design de la créature. On a Jerry Goldsmith qui s'occupe du soundtrack, qui est un des plus grands compositeurs dans le cinéma, je trouve, qui existe. Il a fait le soundtrack de Total Recall, de Conan, pas Conan le Barbare, mais... J'ai complètement oublié le titre, mais en tout cas, si je me trompe pas, Jerry Goldsmith, dans les années 60, il a fait La Planète des Singes, si je me trompe pas. Là, ça, oui, et Rambo aussi, justement. Ouais. Mais c'est ça. Ben vas-y, tu veux parler du film. Oui. Ok. Ben en fait, moi, j'ai vu ce film-là pas mal en retard. Je l'ai découvert il y a seulement 2-3 ans pour la première fois lorsque j'avais acheté le DVD dans une bin à 6$. Puis moi, j'ai grandi surtout avec Deep Star 6. C'est un film assez similaire où on va suivre aussi une gang de personnes qui travaillent sous l'eau dans une petite base sous-marine puis qui vont tomber sur une créature. Puis c'était réalisé par Sean S. Gillingham, le réalisateur de le premier Friday the 13th. Puis c'est un film qui avait marqué mon enfance puis que j'avais quand même beaucoup apprécié. Fait que j'étais curieux de voir Léviathan parce que j'aime beaucoup ce style de film-là. Dans le fond, c'est les deux petits frères pauvres de The Abyss. Ouais, exactement, on va dire ça. Puis Léviathan, en fait, comme je disais, je trouvais qu'il y avait tous les ingrédients pour être une excellente série B de films monstres marins. Puis dans l'ensemble, je dois dire que c'est quand même divertissant. C'est le fun de découvrir tous les personnages, de voir des têtes connues. Peter Weller qui fait Robocop, moi j'aime ça le revoir de temps en temps dans des longs métrages. J'ai pas eu la chance de le voir dans tant de films que ça. Puis aussi l'un des voleurs de Home Alone qui joue une espèce d'obsédé sexuel là-dedans, qui a tout un lien avec les seins ou la sexualité. Ce qui est assez drôle de le voir dans ce genre de rôle-là quand tu l'as vu dans des films pour enfants. Mais... tu sais, il va avoir un parallèle avec le film de tantôt avec Shockwave, mais ça prend tout le temps un personnage qui est un petit peu plus crotté, un petit peu plus dégueulasse que les autres, qui va être une des premières victimes, tu sais. Non, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est un peu le petit frère pauvre de des Abyss, mais aussi le petit frère pauvre de Alien puis de Thing. Puis c'est quand on dit c'est un croisement entre ça, c'est parce qu'on y croit vraiment. Juste la manière que les personnages nous sont montrés, ça va être dans l'espèce de salle de dîner de la base. Puis ils vont tous être en train de manger, de discuter. Puis ça me rappelle exactement la même scène que dans Alien. T'as même le personnage avec la casquette. On dirait vraiment un copier-coller un peu. Non, puis vers la fin du film, on a même une créature qui veut sortir du ventre, tu sais. Ouais, c'est vraiment... pas mal assez ressemblant. Et le côté de Thing, c'est plus au niveau de la créature, parce que comme disait JF, c'est plus un gène de mutation qui va se retrouver dans la vodka. Puis toute une partie de l'équipe va boire de cette vodka-là, puis ils vont commencer à se transformer. Puis les corps vont se rejoindre un après l'autre, se coller ou se fusionner un c'est un peu informe. Ça rappelle beaucoup de Thing, puis je trouvais l'idée intéressante. Même si c'était du copier, ça avait un potentiel d'avoir une créature assez intéressante, de voir un poisson qui va se mélanger avec les corps humains des autres. Mais moi, j'ai trouvé que le gros défaut de ce film-là, en fait, c'est le réalisateur. Comme on disait, c'était le réalisateur de Rambo 2 qui a fait Cobra. Il est habitué aux films d'action, mais ça paraît qu'il n'est pas habitué au cinéma d'horreur. Parce que tout le potentiel du film en tant que film de créature est mal exploité et souvent très mal filmé. Jamais, je trouve qu'il met en valeur sa créature. Il y a souvent des effets spéciaux qui sont très mal filmés, puis qu'on a des plans que ça dure 10 secondes ou même pas, des fois 5 secondes. On voit la créature entre deux scènes, puis on n'a pas le temps de la voir comme il faut. On voit juste un bout de tête qui fusionne avec d'autres choses. Puis je trouve que c'est ça tout le long du film. Je trouve que c'est très brouillon dans sa réalisation, puis le réalisateur a de la misère à créer une ambiance, puisque c'est un film qui va se miser beaucoup là-dessus. C'est un huis clos dans une base sous-marine. Je veux dire, il y avait de quoi à créer une atmosphère de suspense assez terrifiant, mais je trouve que le réalisateur a de la misère à générer ça. Fait que le film est un petit peu plate par moment, parce qu'on n'y a pas de suspense. Je veux dire, je n'étais pas sur le bout de mon siège à aucun moment. Et la créature, qui est pas mal l'attrait principal du film, mais elle est souvent mal filmée. Fait qu'on n'a pas la chance de voir les effets spéciaux de Stan Winston, qui, sans doute, fait un travail remarquable. Mais encore là, je trouve que sa créature n'est pas mise en valeur à cause d'une réalisation vraiment épileptique. Même le montage, par moment, on dirait que ça coupe mal. Puis on dirait qu'il manque des bouts. T'as une scène où lorsque la fille puis Daniel Steen, le gars de Home Alone, c'est eux qui vont aller dans l'espèce de bateau échoué, le Léviathan. Le gars, il va aller se promener tout seul à un moment donné, puis on va juste suivre la fille tout le long. Puis à un moment donné, on va juste entendre crier dans le micro, puis on va voir le gars qui tombe. Le plan suivant, c'est juste le gars qui tombe littéralement en bas d'une falaise. Il n'y a pas eu de plan ou de scène où on nous montrait le gars qui s'amusait à aller se promener dans les alentours puis qui était proche d'une falaise. Fait que, par moment, je trouve que c'est brouillon, puis il y a plusieurs scènes que ça fait ça. Puis c'est comme ça qu'il filme toutes les scènes d'action avec sa créature, ce qui fait en sorte qu'on est des fois perdu, on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Puis moi, ça m'a vraiment agacé, surtout que c'est un film de monstre. On est là pour voir la créature, puis il n'y a pas vraiment d'autre chose. Fait que moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a achalé. Elliot. Elliot. On dit bonjour au petit Elliot. On lui souhaite la bienvenue. Le petit bébé de Monsieur Sébastien. Et ben, je suis d'accord, mais on dirait que c'est comme tu disais, il essaie de il copier. Dormait 10 secondes. Dormait 2. On parle trop fort. Je pensais que j'allais pouvoir venir vous voir. Mais comme tu dis, c'est assez de copier Alien, puis je pense que c'est ça, il essayait de faire cet effet-là de on veut pas trop montrer la créature, tu sais, puis à un moment donné, on voit le genre de bave qui coule des tuyaux, tu sais, dans ça fait vraiment très Alien. Mais comme tu dis, c'est pas super bien réussi, puis des fois, je me suis demandé si... Ben, tu sais, je fais confiance à Stan Winston, mais je me suis demandé si la créature, si le réalisateur la détestait pas un peu, ou bien si elle trouvait pas assez bien faite pour la montrer au complet, ou... Je sais pas. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'à un moment donné, les personnages mentionnent qu'il y a deux créatures à bord de la place. Puis par moment, tu as juste des tentacules bizarres qui attaquent. Puis d'un autre côté, tu as l'espèce de poisson sur deux pattes fusionné avec les autres qui se promènent. Mais à aucun moment, j'avais l'impression que les tentacules avaient un lien avec la créature principale. Fait que, tu sais, c'était pas clair. Est-ce que les tentacules, c'est juste d'autres petites créatures qui se séparaient ou c'était relié justement à l'espèce de poisson? Puis la créature est juste bordélique dans sa manière de filmer. J'ai aucune idée si dans les studios de Stan Winston, c'était clair puis on savait exactement à quoi qu'elle ressemblait. Mais quand tu vois le film, t'essaies des fois de comprendre qu'est-ce que tu vois, puis ça marche pas. Puis c'est pas juste parce que c'est une créature qui fusionne. Je veux dire, t'écoutes The Thing, t'es capable de reconnaître la créature, puis de reconnaître les parties, puis pourquoi tel truc a fusionné, puis qui change. Tandis que là, ben, on a beaucoup de la misère à savoir ce qui se passe. Non, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, moi, j'aime beaucoup le film. Je le trouve très divertissant. Hier, je l'ai commencé, puis je me suis endormi, mais ça n'avait pas rapport avec le film, c'est parce que je l'ai commencé trop tard. Mais sinon, je voulais vraiment absolument le finir, tu sais. Comparé à l'autre, on en parlera tantôt, qui lui m'a vraiment emmerdé, mais en tout cas, je m'en tire de mon opinion. Mais Léviathan, c'est ça, je le trouve super divertissant, puis... J'adore beaucoup ces acteurs. C'est bizarre parce que j'aime beaucoup Peter Weller dans Robocop. Il joue un très bon robot, mais son problème, c'est que son jeu est très robotique tout le temps. T'sais. Fait que je trouve que dans Léviathan, il est très robotique, surtout comparé avec Richard Crenna ou avec Hector Elizondo, avec Daniel Stern, qui les autres sont très, très, très vivants, t'sais, très, très, très bons acteurs. Je trouve que Peter Weller, il fait pâle figure un peu à côté d'eux autres, selon moi. Puis, mais ce que j'ai raison. Ouais. T'as raison, parce que je me disais peut-être que c'était à cause de son personnage un peu antipathique qui joue le patron puis qui a le devoir d'être un peu sévère. Il est supposé être sympathique. Le prend pas au sérieux. Il est supposé être sympathique. C'est l'autre, la femme qui lui parle à l'écran, qu'on va voir, qu'on voit jusqu'à la fin dans un écran, qui elle est supposée être l'ennemi, c'est pas lui qui... Ouais, puis on finit par... des fois, je trouvais que ses réactions, même si tu vois que c'est ça, c'est un gars qui est supposé être sérieux puis qui est un leader, des fois, je trouvais que ses réactions étaient... Il était trop, trop... Détaché. Comment dire? Il monotone? Ouais, il était trop monotone. Il manquait de punch, tu sais. Je comprends que le personnage voulait donner l'impression d'un leader, mais il me donnait plus l'impression d'un homme froid qui avait rien à foutre de son équipage, tu sais. Parce qu'à la fin, quand il part, contre la bibitte avec Ernie Hudson. Moi, si j'étais avec eux autres, je préférais suivre Ernie Hudson. C'est lui que j'écouterais, tu sais. Oui. Puis, je m'excuse si vous en avez déjà parlé, mais je pense pas. Le personnage de Daniel Stern, celui qui jouait dans Home Alone, oui. Dis-moi, ben, est-ce qu'on donne des. Je vous Non, des donne un spoiler spoilers. alert. Oh oui. Bon, ouais, vas-y. C'est pas lui qu'il fallait qu'il meure en premier. Ce Non, en effet. personnage-là était le gars qui brouillait la dynamique. C'était lui qui était comme le. Tu sais, le crunchy, là. Tant qu'à faire, l'hispanique, là, tout ce qu'il veut faire, c'est du casse-tête pour aller faire du ski, là. C'est T'sais, exactement ça, j'allais dire, ça aurait dû être lui le premier. c'est lui le premier qu'il fallait qu'il meure. Mais en même temps, je Le trouve ça foutu, c'est original. lui qu'il faut En même temps, je trouve ça garder. original. C'est pas le gars ethnique. C'est pas le t'sais, c'est pas le noir qu'on tue en premier, c'est pas le latino, c'est. Ouais, mais admettons, je veux dire, à la limite, faire en sorte que c'est le latino qui est le trou de cul, là, tu sais. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est, en point de vue personnage et scénario, c'est une erreur, là, de Oui, non, garder je suis un d'accord. personnage qui était le tu sais, t'as une bobite, t'as un personnage qui est un trou de cul, t'as de quoi d'intéressant, là. Bon, comment qu'il va réagir face à ça? Il va-tu rester un trou de cul? Il va-tu prendre le dessus puis dire, non, regarde, là, je suis un trou de cul dans la vie, mais là, on est en situation de danger, je vais être du bon bord, tu sais. Il y aurait eu de quoi d'intéressant à faire. Fait que là, en se débarrassant de lui puis de l'autre, qui avait quand même une dynamique un peu funny, on se ramasse avec tous les personnages dont on se fout. Tu sais, excepté peut-être la future astronaute. Oui. Mais tu C'est sais. plate parce que, en plus, quand le personnage de Daniel Steele se fait. Daniel Steele, Daniel Stern. Stern, se fait infecter, c'est comme je disais à JF, on dirait qu'au niveau réalisation puis montage, des fois, il y a des blancs. On dirait qu'on écoute une scène puis qu'il va manquer 20 secondes. Fait que là, on regarde Daniel Stern qui est contaminé, que le médecin est en train d'examiner, ses yeux sont rouges puis tu vois qu'il y a vraiment un problème. 2 secondes après, il est sur la table étendu avec un drap sur la tête puis il est mort. Ouais, il y C'était avait comme. une drôle de progression là-dedans, T'sais, on dirait là. on n'a pas eu le temps de rien voir. T'sais, il est mort tout d'un coup, puis je trouvais ça comme bizarre sur le coup. Puis bon, là, je fais du nitpicking, là, mais c'est le fun de regarder des films en moi qui parle, là. Mais des lance-flammes dans un sous-marin, là. Puis Dans une base sous-marine, à quoi ça sert? tu sais, je Tu me. sais, c'est le fun de les voir avec Lucie puis les outils de minage, tu Ouais, sais. mais. Tu sais, je veux dire, un lance-flamme, tu Non, mais. sors pas ça dans l'eau. Mon problème avec cette scène-là, quand on les voit sortir les armes puis avoir le gros smile, c'est comme ils viennent juste, tu sais, de voir mourir du monde de leur Oui. équipage avec qui ils viennent de passer des mois là, c'est leur famille immédiate là, tu sais. Exact. Mais Mais ça, on dirait qu'ils attendaient juste ce moment-là. Yes, enfin on peut s'en servir, tu sais. j'ai jamais eu l'impression que ça faisait des mois qu'ils passaient ensemble. Des fois, j'avais l'impression qu'il y avait des discussions entre eux autres, que je me disais, ben oui, donc ça fait des mois, là. T'as pas cette discussion-là, là, tu sais. Non. Tu dis pas, hey, j'aimerais ça que t'arrêtes de m'appeler comme ça, là. Hey, non, c'est fini, là, tu Surtout quand sais. ils sortent leur scie puis leur lance-flamme, c'est tout filmé puis monté à la manière de Evil Dead quand Ash prend ses armes puis Ouais, tout. c'est ça. Ça essaie d'avoir un côté le fun alors que toute la partie auparavant, c'était plus dramatique, plus sérieux. Fait qu'on dirait que le réalisateur savait pas trop sur quel Ben oui, pied. Ernie Hudson, il a vraiment un gros smile avec son lance-flamme. C'est comme s'il avait attendu là, toute sa vie de pouvoir, tu sais, Ouais. enfin, c'est le En plus, ils moment. sont vraiment la phrase et comme ça va chauffer. Ouais, quelque chose du genre, tu sais. Ah ouais, mais. Puis, Mais. vous parliez de clin d'œil à Alien, tu sais. En plus de la créature, il y a quand même la séquence où il y a quand même quelqu'un qui dit j'ai quelque chose en dedans de moi, là. Cette séquence-là, c'est vraiment un clin d'œil à Alien, là. Oui. C'est là qu'il y a eu des graphiques, là, tu fais comme oh, peut-être, ok, là, on est dans la grosse référence. Là. Il veut être Alien, ce film-là. Il veut Vraiment. vraiment. Ça, puis de Ça, Ting. c'est ça, puis de Ting, tu sais, c'est clair qu'on y pense. Dès que tu vois la créature, le corps qui va rejoindre l'autre pour fusionner, Ouais, puis. puis vous parliez de mauvaise réalisation, puis tout ça, la créature, puis je pense, je sais pas si Jeff, tu l'as mentionné, je m'excuse si tu l'as fait, mais il manque de jeu d'ombre, il manque de... Tu sais, dans Alien, c'était pas qu'il était mal cadré, c'était que il y avait des zones noires, tu sais. D'une base sous-marine, tu sais, il peut y avoir des recoins sombres, des trucs de même, mais là-dedans, non, c'est juste, on la comprend pas. C'est plate parce que c'est un bon film. Ça aurait dû être un bon film. Le potentiel, tout était là pour que ça soit un bon film. Mais ce film-là a aucune excuse d'avoir été aussi mauvais. C'est bizarre parce que Et puis j'ai aussi mauvais, là, je pèse mes mots, là, c'est pas si. je vous écoute parler, puis mon point n'arrive pas à passer au travers, je pense, à passer. J'arrive pas à dire ce que je veux dire, mais moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai vraiment eu du fun avec ce film-là. OK. Puis je le trouve très divertissant malgré ses défauts. J'adore beaucoup les. J'aime vraiment beaucoup l'ensemble d'acteurs, tu sais. Puis des personnages, je les trouvais très bien définis. J'étais capable de suivre jusqu'à la fin c'était qui. Il y a souvent dans des films comme ça que des ensembles, tu t'en fous des personnages. Dans ce cas-là, je savais très bien c'était qui tout le long. T'as Mais, pu. puis, t'as raison que le film était bon. Moi, la première fois qu'on voit la créature, pas la créature tout à fait, mais les premières personnes qui sont infectées, puis tout ça, puis, tu sais, les premières fois que tu fais, oh shit, le shit hits the fan, tu sais, avant que ça devienne juste on court après une créature dans une Oh oui. bâtisse, je trouvais que tout ce moment-là, tu sais, où ce que bon, on découvre. Il y a quelqu'un qui est mort d'une douche. Il s'est placé plein de trucs. Il y a le sac avec le cadavre dedans. T'sais. Oui. Tous ces moments-là, je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? T'sais. Puis bon, le mystère avec la compagnie, mais on sait très bien où est-ce que ça s'en va quand même. Mais tout ça est super divertissant. Mais dès que ça vient, on pogne les armes et on court après la créature. Le fun a baissé à zéro, là. Mais, tu sais, ça veut être Alien, ça réussit pas pantoute, c'est vraiment pas du même niveau artistiquement parlant, puis tout, puis, tu sais. Mais ça, tu prends des films du même genre, tu remontes, mettons, 9-10 ans avant ce film-là, c'était quoi? C'était genre Galaxy of Terror, des faits comme ça, qui étaient des décors en carton, tu sais. Lui, en tout cas, il y a un Oui. look qui. J'ai l'impression que sont sur une. Ça pourrait être quasiment être une vraie base Oui. sous-marine, tu sais. Les décors, les accessoires, tout ça est J'aime crédible. l'ambiance puis le côté visuel du film, les éclairages. Tu parlais qu'il n'y avait pas assez d'ombre, c'est vrai, là, mais j'aime le côté chaleureux de l'endroit. J'aimerais ça être là avec eux autres, t'sais, dans un certain sens. T'sais. Il y a vraiment des bonnes idées, mais il l'exploite pas bien de son décor. Il y a une scène où la fille s'amuse à faire du jogging à chaque jour, puis il y a un tuyau d'eau juste au-dessus d'elle. Puis à un moment donné, il y a un plan de caméra vers le bas, puis on voit Oui. elle courir avec le tuyau d'eau qui passe. Puis je me dis, il aurait pu faire de quoi, de la créature la suit en même temps, ou je sais pas, faire Oui, de j'ai quoi, pensé mais aussi, ça. le réalisateur l'utilise fuck all, là, Non, puis. c'est ça. C'est juste un bon film mis dans les mauvaises mains. Puis je dirais, dans les mauvaises mains, il y a une personne quasiment qui est fautive là-dedans, c'est le réalisateur puis le directeur photo. Puis ce que je me souvenais Les le autres ont mené impossible. plus de ce film-là quand je l'ai. Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune, ce film-là, en même temps que The Abyss, puis des fois, j'ai mélangé, souvent, des années 90, j'y repensais, puis j'ai mélangé. Mais ce que je me souvenais le plus de ce film-là, c'est la scène finale, si on spoil anyway, là, la scène où ce que Peter Weller arrive sur la plateforme, puis il va péter à la gueule la femme qui l'a fait chier tout le long du film. Tu sais, ça, c'était. Ouais. Tout le long. Pendant des années, je pensais que c'était dans The Abyss, puis finalement, c'est dans ce film-là. Ah, J'adore ce bout-là, je trouve ça vraiment. Quelque chose qu'on voit vraiment pas d'habitude, si tu vois pas un homme frapper une femme comme ça, puis ouais, ça c'était très drôle parce qu'habituellement le boss aurait été un homme Oui. et la personne qui frappe aurait été une femme. C'est ça. Et, ouais, moi aussi j'ai eu la réaction de OK, Ça c'est un gars prenait qui un petit peu des couilles pour a une femme. finir ça de même, tu sais, je trouvais ça le fun. Mais c'est vrai que c'est plein plein de défauts, je veux dire, la créature qui sort de l'eau à la fin, c'est pas super intéressant, c'est pas beau, tu sais, c'est pas Puis les requins, ça sort d'où? De nulle part. Ça sert à Oui, pour quoi? finalement que ça donne à rien. À rien pantoute. C'est vrai qu'il y avait du remplissage à faire, tu sais. Puis tu vois ça, même avec la fin, la créature qui sort, cette créature-là, à un moment qu'elle sort, là, je m'attendais à la voir encore mieux que ça. Je me disais, OK, là, c'est le vrai reveal, on va la voir comme faux. On la voit comme faux, mais c'est tellement tout le temps mal cadré, puis tout ça, que justement. Puis ça, c'est plate parce que tu sais, c'est Stan Winston qui a fait la créature. Puis tu le regardes, tu te dis, c'est-tu parce qu'il a botché sa job ou c'est le réalisateur qui a botché son cadrage? Puis t'espères que c'est le réalisateur parce que tu te Ouais. dis, je pense pas que Stan Winston aurait embarqué dans un projet puis qu'il aurait été à reculons, tu sais. Tu sais, on a quelqu'un dans les commentaires, je pense que c'est Jean-Philippe, qui dit mélanger avec un film de James Cameron. Quand j'ai vu ce film-là, j'avais 12 ans ou 13 ans, puis je m'en colissais tout de savoir c'était qui le réalisateur. Moi, tous les films, c'était tout égal, c'était tout même pied d'égalité quasiment. Ouais, C'était on un prenait un film. film, on regardait juste c'était quoi la pochette. C'est ça, t'sais, c'était un film de sous-marin fait en 89. Mais c'est ça, t'sais, puis les bulles, les trucs qu'ils prennent pour remonter à surface, l'histoire de la décompression, on a quelque chose dans The Abyss, si je me souviens bien, qui est Oui. semblable. On n'a pas Michael Biehn qui se fait, spoiler encore, qui se fait exploser la tête d'une question de décompression. Oui, parce Non? que c'est ça. Oui, c'est Il vrai. y a vraiment une histoire de quand tu fais de la plongée, tu remontes pas de même, là. Non, c'est ça. Puis je pense que ça aurait dû jouer un plus grand rôle dans ce film-là. T'sais, Oui, surtout qu'on parce voit que les plans sur le truc qui dit décompression, décompression, puis il se passe rien, les trois sortent, puis ouais. tout est beau, puis... Puis pourtant, le film commence avec une scène de décompression. Exact. Fait que à la fin, devrait ramener ce suspense-là. Parce que moi, je me souviens, puis t'as raison, GF, c'est dans The Abyss, le suspense de la décompression, tout ce. Parce que ça reste que c'est un élément important qui Ben est là. vital et dangereux. Ben, c'est le fun de le garder dans un film. Ton suspense est là, il est livré sur un plateau. Sers-toi-en. C'était juste pour servir à la grosse finale avec la base en tant que telle. Mais moi, ce que je suis déçu, par exemple, c'est que contrairement à la pochette, la fille, elle prend un costume de bain. Ouais. Ça, c'est vraiment niaiseux, là. C'est niaiseux de pochette qui veut rien dire. Ah, oh, bon. Ben après sa douche. Ah oui. Ah, elle est cute, cette actrice-là. Je Oui. pense que je l'ai vue dans un épisode de X-Files dans la première saison. Peut-être que je me mélange avec une autre, mais c'était une British qui avait la même face, mais pas les mêmes cheveux. Puis je la trouvais pas aussi Elle me disait quelque cute, chose aussi. mais ouais. Mais là-dedans, Mais la fille méchante de l'industrie qu'on voit à la télévision, c'est elle qui joue aussi dans The Lift de John Carpenter qui donne un coup de coude dans la face à Woody Paper. Fait que c'est une habituée des on l'a coups dans la vu. face. Autrement dit, elle n'a pas de verre de contact. J'ai tout le temps trouvé ses yeux fuckés, je pense. C'est pour ça qu'ils l'ont pris comme méchante, parce qu'elle a des yeux de méchante, ce Elle a film-là. des yeux de fou, là, c'est malade, elle. Elle fait peur. Je me demandais pourquoi est-ce que la caméra, pourquoi est-ce que le réalisateur nous amenait en dehors de la base à deux, trois moments dans le film pour nous amener avec elle, de son côté à elle de l'écran. Je trouvais que ça servait à rien. Oui. En plus, oui. En plus, c'est qu'il fait juste étirer la scène parce qu'en bout Oui. de ligne, c'est rien passé, là. Si ça avait donné quelque chose, j'aurais compris, mais là, tu sais, je trouvais que le côté claustrophobique, qu'on voit jamais le monde extérieur, je trouvais ça plus intéressant, tu sais. Puis Mettons, c'est... je sais pas, moi, tu la vois, elle reçoit un coup de téléphone, puis elle parle à quelqu'un, tu C'est sais. ça, exactement. Où il y a quelqu'un à côté d'elle qui a une arme ou peu importe, tu sais, Oh, ouais, c'est ça, tu sais, qu'on découvre un peu c'est quoi de son bord. On cherchait où est-ce qu'on l'a vu, elle a joué dans Lord of Salem, entre autres, dernièrement. Ah, je pense Alors qu'elle voilà. joue une des trois sorcières. Fort possible. Puis c'est drôle parce que je les voyais se parler à l'écran, puis c'est le genre de choses qu'on remarque plus pas en tout, mais en 89-90, je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, comme dans Total Recall, quand ils ont des téléphones avec des écrans, je trouvais ça vraiment, là, vraiment cool, tu sais, puis on remarque plus ça pas en tout quand tu regardes ces Aujourd'hui, films-là à cette heure. c'est banal. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour, les gars? Je pense que oui. Oui. Vos recommandations, Steven? Moi, je dirais plus ben, pas d'occasion, mais je pense qu'il est sur Netflix, peut-être. Sinon, si vous le voyez dans une bin à Saint-Pierre, je crois pas que ça soit non plus perdu. C'est un film écoutable, mais entre lui puis Deep Star 6, qui est assez similaire en termes de film de monstre, je vous suggère plus Deep Star 6, qui est peut-être un moins bon film, mais qui est mieux réalisé vu qu'on a un réalisateur plus compétent puis on voit mieux la créature. Fait que moi, j'ai plus préféré celui-là. Jeff? Comme j'ai jamais vu Deep Star 6, moi je dirais que la bine à Saint-Pierre aussi. Puis sinon, sous le film, c'est pas un monstre, mais supérieur, c'est The Abyss, le fait de la même année. Ben, moi j'irai avec une location. Je pense que ça va être une écoute d'une seule fois. Ben, à la limite, si la location vous coûte 5$, prenez la bine, là, mais. Donc, c'est ça. Non, ce sera pas un film que je vais réécouter. Surtout Scream Factory, il vient juste de ressortir en Blu-ray. Ah ouais, bon, mon Dieu. Pour le transfert Blu-ray, ça peut m'étonner. Donc, hey, on passait en musique avant notre prochain film. Steven, tu nous avais suggéré une chanson. Oui, j'avais Oui. suggéré He Is du groupe Ghost. Ben, hey, on aime ça du Ghost, fait qu'on s'en va écouter ça et on revient. Standing here by the abyss, and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He is. resurrection, he's spike, he's the force that made me be. He is nostro disparte, nostra amate. Hiding here inside the dream, and all our doubts are now destroyed. The guidance of the morning stars will lead the way into the void. He is, he's the shining and the light without whom I cannot see. Deuxième film d'horreur marin ce soir est Shockwaves de 1977, mais pour Steven qui trouve le titre beaucoup plus badass, on y allait avec Le Commando des morts vivants. Un film de 1977, comme j'ai dit, réalisé par Ken Wiederhorn et mettant en vedette, entre autres, Peter Cushing. On a aussi John Carradine et Brooke Adams. Et j'essaie de voir Ken Wiederhorn, qu'est-ce qu'il a d'autre de réaliser. Ben, Return of the Living Dead Part 2. Yes, et il réalise aussi, je ne sais pas combien de segments, mais il est crédité pour les 7 segments de Freddy's Nightmare, la série télé. Oh! Ouais, fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là-dedans, mais c'est pas quelque chose qui est... Ben, réalisateur, probablement. Ouais, mais c'est ça, mais je veux dire, c'était pas la série télé Freddy's Nightmare, c'était chaque épisode, c'était un réalisateur différent. Ah, d'accord, peut-être. Ouais, je sais pas. Je les ai pas écoutés, fait que je sais pas. Moi non plus. Je sais même pas quoi je ça sais juste parce que j'ai écouté le documentaire. Ouais, sur la série. Donc, Shockwaves raconte... Non, Le Commando des bâtards. Pas Le Commando des bâtards, pardon. De Shockwaves, parce que je vais me mélanger tout le temps. Shockwaves raconte l'histoire d'un petit groupe de plaisanciers avec leur bateau Il tombe en panne parce qu'il se serait, il aurait frappé un bateau fantôme ou une épave, quelque chose comme ça. Et il se retrouve sur une petite île sur laquelle habite un vieux commandant nazi qui les met en garde contre un ordre de zombies soldats vivant sous l'eau. Pas mal ça, hein? Oui. Ouais. Et ce commandant nazi est joué par nul autre, que Peter Cushing, dans probablement la pire performance que j'ai vue de ma vie de lui. Mais ça, ça reste à voir si je suis le seul à le penser. Qu'en avez-vous pensé, les gars? Ok, ben moi j'ai pris 2-3 notes là, puis ma première note, c'est après 15 minutes, je regarde combien de temps il reste. On parlait tantôt là, d'un groupe de survivants. Là. Tu disais, Jeff, que tu t'attachais à ces personnes-là, tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu dirais de ce groupe de survivants? À part que Brooke Adams n'est pas vraiment agréable à voir. Ben, c'est ça. C'est ça. T'sais. Puis c'est drôle parce que quand j'étais jeune, je la trouvais pas séduisante du tout. Mais surtout que je l'ai connue dans Dead Zone, puis elle avait les cheveux courts, puis je la trouvais moins belle là-dedans. Mais non, elle est vraiment très agréable pour les yeux. Puis, mais sinon, je sais pas, il n'y a aucune personne que j'aime là-dedans. T'as un couple dont le mari est super chialeux. On dirait une mauvaise parodie du couple avec le vieux chialeux dans Night of the Living Dead qui marchait dans ce film-là, tandis que dans celui-là, c'est juste ça marche juste ouais. Pas dans Shockwaves, je trouve, tu sais. Et t'as le gars qui est supposé de Ron Jeremy. Ouais, qui est supposé de notre héros, mais qui a une grosse moustache. Ce gars-là a joué dans les Flippers dans les années 50 ou 60, puis c'était un enfant vedette. Je pense que pour se différencier de son statut d'enfant vedette, il s'est fait pousser à grosse moustache pour qu'on voie que c'est un adulte, là, tu sais. Puis c'est drôle parce que dans la version française, j'ai écouté un petit bout de la version française, il s'appelle Gilles. Oh, hey, ça c'est drôle quand ils décident de traduire des noms. Je pense que c'est Keith en anglais, puis tu sais, pour que ça fitte avec la bouche. Et au lieu de faire Keith, comme dans les. Tu sais, comme quand les Français font des. Comme dans Wayne's World, Aerosmith, et au lieu de faire Keith, ils ont fait Gilles. Puis c'est ça, qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Ah, le cuistot, le cuisinier, tu sais, pour. Qui mangerait de la bouffe faite par ce gars-là? C'est un alcoolo malpropre. Il ressemble vraiment à Ron Jeremy. Il a vraiment la même allure. Mais c'est vrai, tu me fais penser, c'est vrai. Il n'y a personne qui voudrait manger la bouffe par ce gars-là. Je suis sûr qu'il vomit dedans. c'est pas juste genre je suis alcoolo, mais personne ne le sait. Là. Je suis vraiment le gros alcoolo mal propre qui soigne de partout. T'sais. Puis, non, personne n'a l'air content de faire ce petit voyage-là. Tout le monde est en tabarnak. Tout le monde est dessus. Oui, le film commence. Ils sont tous en tabarnak sur le bateau. Ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent juste s'en aller. Puis là, veux-tu bien au moins commencer avec ces personnes-là sur là qui se rencontrent? Salut, blablabla. Hey, ça va être le fun. Non, mets-moi là tout de suite en situation de conflit en train de saillir. Ça me donne le goût de les haïr, de les aimer, ces gens-là. Oui, on donc. Surtout que la première fois qu'on les découvre, il arrive un premier événement qui n'est jamais justifié, qui ne sert à rien, puis on ne sait pas pourquoi. Le soleil devient tout d'un coup full clair. Toutes les personnes sont comme, mais qu'est-ce qui arrive avec le soleil? Puis là, on a sans doute un des pires filtres qu'on a vu dans l'histoire du cinéma orange. Oh, man. Oh, c'était même pas de l'After Effect, c'est vraiment un filtre direct sur la cam. Oh. Je me disais, ça avait peut-être un lien avec les zombies, que c'était un événement surnaturel qui se passait. Ouais. Non, même pas. À ce moment-là, tu te dis, OK, les zombies vont être quelque chose de magique. Là, ils sont magiques, mais bien, ça fait. T'sais, on a John Carradine qui joue le capitaine du bateau, qui, je pense, si je me souviens bien, a joué dans des films sérieux à son époque, dans les peut-être 40, ben, 50. En fait, c'est la colère. Ouais, c'est ça, il a fait du théâtre aussi, tu sais, puis ce gars-là est un gars important, mais je sais pas, il est ordinaire, son personnage, là, tu sais, il est pas si le fun que ça, puis... Ben, y a-t-il vraiment un personnage qui est si le fun que ça? Mais tu sais, on pourrait avoir Peter Cushing, mais il est même pas le fun, tu sais, on dirait qu'il... Non! Je sais pas, il y a personne... Disais, qui... Il est en train de lire ses cartons? Ouais, c'est ça. Surtout que j'ai lu un peu en dehors du film, puis ça a l'air qu'il y a aucune scène qui a été tournée ou qui était en présence des autres acteurs. Ça a tout été tourné après parce que Peter Cushing avait un temps serré puis qu'il était là juste 2 jours. Écoute, le pire, c'est que tu me dis ça, là, puis je me suis posé la question à un moment donné s'il était avec eux autres. Fait que, vois-tu? Je pense qu'il y a une scène avec quelqu'un où ils sont dans le même plan. Ouais, le gars avec la moustache, là. Le... Puis moi, d'ailleurs, j'ai eu de la misère tout le long du film à savoir qui était un membre de l'équipage entre le gars puis la moustache puis l'autre, là. Tu sais, j'étais comme, c'est qui lequel, l'un d'eux, hein, qui est sur Ah, t'as celui avec le gilet jaune aussi qui... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec qui il va se battre à un moment donné pour avoir la lampe de poche, là. Mm-hmm. Mais c'est ça, à un moment donné, j'ai décroché aussi. Vers le trois quarts du film, j'ai regardé Twitter, j'ai regardé Facebook, j'ai regardé le film à moitié. Là. C'est très rare que je fais ça, mais là, c'était comme, oh, s'il vous plaît, là, faites de quoi, t'sais, avancez un peu dans l'histoire. C'est gros problème... Il y a un gros build-up, mais un build-up là, qui est pas intéressant ou qui fait pas upgrader rien. Puis là, ben, on n'en parle pas depuis tantôt, mais mon gros problème, c'est les zombies, en fait. Parce qu'ils sont dolles, je trouve. Ils sont vraiment plates. Ils font rien, t'sais, ils font juste... T'sais, ils dorment dans l'eau durant la nuit. T'sais, ils sont étendus là, puis ils sortent le jour. Puis je comprends pas. T'sais, pourquoi est-ce qu'ils servent pas des faiblesses des êtres humains? T'sais, c'est des super soldats qui vivent dans l'eau. Ils pourraient se servir des faiblesses des êtres humains, c'est-à-dire que l'être humain est obligé de dormir la nuit pour aller les attaquer, t'sais, pour attaquer la nuit. Mais non. Eux autres, ils dorment dans l'eau comme ça. Puis t'sais, comme je disais, j'ai manqué des petits bouts parce que j'étais sur Facebook, je m'en calissais un peu. Mais la manière d'y tuer, c'est quoi? C'est d'enlever les lunettes, t'sais, si j'ai bien compris. C'est... Man, ils sont mignottes. Ça les fuck, là. Ils font de... Mais ils sont presbytes. Ils font rien, à part casser des portes, briser des affaires, ils font rien. Puis nailler du monde. Puis nailler du monde, c'est tout ce qu'ils font. Et puis, justement, le gros du couple là, oui. Avec la femme, là, quand il se fait tuer, le nailler, ah, c'est-tu lui? Je pense que c'est lui. On dirait qu'ils vont s'embrasser. Le zombie le prend par la hanche, le prend par une main, puis il descend lentement dans l'eau. Là, t'es comme, trouvez-vous une chambre? Ils ont vraiment l'impression que, tu sais, le gars se dépoppe pas, là, il fait comme, oh, allô? C'est. C'est tellement. Ah, c'est ridicule, là, ce moment-là. En fait, juste pour pas forcément cracher à 100% sur l'œuvre, je vais au moins mentionner une petite qualité que j'ai bien appréciée dans le film. Durant une scène de nuit, c'est là qu'ils vont frapper le fameux bateau fantôme ou je sais pas trop. Puis ensuite, ils sont pas trop certains qu'est-ce qui est arrivé. Fait que le capitaine du bateau va utiliser un gun flare, puis il va tirer dans les airs. Puis avec la musique, puis le fait qu'ils sont vraiment au milieu de l'océan ou de la mer, peu importe, dans le noir, on va juste voir avec le flare un peu le bateau qui est apparu de nulle part, une espèce de gros bateau rouillé. Ouais. Là, je trouvais que c'était comme, ok, ouais, ça a une petite efficacité, je trouve ça intéressant. Puis ensuite, pouf, ça coupe, puis là, on arrive directement qu'ils s'en vont sur l'île. Fait que je suis comme, ok, ouais, il y avait un. C'est un moment-là, je l'ai trouvé quand même réussi, puis ça donnait une certaine atmosphère, mais ça va pas vraiment plus loin que ça. Puis les premiers. Oui, vas-y. Non, j'allais te couper pour longtemps, continue. Puis j'ai bien aimé la première apparition des zombies, je veux dire, la première fois qu'on les découvre, lorsqu'ils sortent chacun de l'eau, la tête, puis en troupeau avec la musique, je trouvais que ça marchait, j'étais comme, ok, ça sort de l'ordinaire, des zombies qui sortent de la terre, là, on a des zombies qui sortent de l'eau, c'est quand même un film de 77, fait que c'était pas quelque chose de super fréquent. Ben, toutes les séquences qu'on les voit marcher en dessous de l'eau, tout ça, à la limite, je trouvais ça cool, tu sais, je me disais, ah ben écoute... C'est original. Là. T'es en vraiment temps, les grandes bottes nazies n'ont pas l'air de la chose la plus pratique pour marcher sous l'eau, là, en tout cas. Non, non, non. Mais non, c'est ça. Tantôt, tu parlais, ça coupe sec, puis ils sont déjà rendus à telle place. Moi, j'ai quelque chose pour résumer ce film-là. Okay? Ce film-là a été scénarisé par un dyslexique, réalisé par un sourd et muet, et monté par un aveugle. parce que. Le scénario, tu sais, pas à la route, t'es comme, ben voyons donc. Puis là, t'as le réalisateur, parce que des fois, t'as le goût de dire, mais tu l'as-tu vu, ta tête, t'as-tu dirigé tes acteurs, qu'est-ce qui s'est passé, t'as-tu compris ce qu'il disait? Puis là, t'as le monteur, où ce que tu fais, ouais, mais clairement, il te manquait une scène entre ces deux segments-là. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui va se retrouver dans une piscine, OK? La scène, tu sais, il recule, puis lentement, il recule, il tombe dans la piscine. Oui. Là, tu vois un zombie qui est en dehors de la piscine, qui la regarde. Le plan d'après, le gars court. Il n'est plus dans la piscine. Il court vers la piscine, pousse un zombie qui était dans la piscine. Tu n'as jamais vu de zombie avant dans la piscine. Mais il pousse un zombie qui était dans la piscine. Il est rendu dans le milieu de la piscine. Il regarde autour. Puis là, il décide qu'il sort de la piscine. Moi, tu te dis, ouais, mais voyons donc! Puis, l'autre segment où est-ce qu'ils perdent leur bateau de façon vraiment stupide. Oui. Hey, on a le bateau, il touche dans le fond. OK, poussez-le un peu. OK, là, on a de l'eau jusqu'aux épaules. Ce serait peut-être le moment d'arrêter de pousser le bateau et d'embarquer dedans. Puis là, ils perdent leur bateau, comme des caves. Puis, parce que moi, à ce moment-là, je me disais, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer pour que le film se finisse pas? T'sais? Ils perdent leur bateau. Mais là, ils sont tous dans l'eau, là, tu sais. Je veux dire, sont dans l'eau, ils se voient. La séquence d'après, ils sont perdus, séparés dans les bois. Ils se sont séparés. Vous étiez dans l'eau, vous vous êtes toujours bien vus, là, tu sais, même vous étiez à 50 pieds l'un de l'autre. Vous étiez capable de dire, on s'en va vers la forêt. Non, non, tout d'un coup, la scène d'après, c'est, on les cherche. Vous étiez dans l'eau ensemble, là, 5 minutes. Comment vous avez pu vous perdre? Montrez-moi comment ça s'est passé. Ah, puis même les zombies, ça fait la même affaire. Au début, tu les vois en troupeau qui marchent pour se diriger vers l'île. Tu dis, OK, ils s'en vont attaquer. Deux secondes après, ils sont tous éparpillés en train de faire dodo dans l'eau. Ils sont tous couchés sur l'eau. On comprend pas qu'est-ce qu'ils font exactement là. Puis ça fait ça souvent dans le film. Puis tu sais, je checkais sur IMDb qu'il y avait juste genre 8 personnes qui ont fait les zombies. Puis ils ont essayé de les filmer de manière à ce que ça ait l'air plus nombreux. Mais même sans savoir ça, moi je trouvais qu'il y en avait juste 6-7 dans le film. Là, ben pas oui, plus que ça. Tu le vois, là, tu fais comme OK, il y en a. Voilà, tu le vois qu'il y a tout le temps les mêmes zombies qui sont réutilisés. Ben oui. Puis tu sais, Peter Cushing qui raconte mes zombies. On s'est rendu compte qu'il était dangereux même pour nos propres soldats. Excuse, je les regarde, tes zombies, là. Mais à part si tes soldats se battaient dans l'eau, là, ils n'ont pas dû faire grand-chose. Puisque tes zombies, tout ce qu'ils font, c'est nier le monde. C'est tout. Tu t'enlèves leurs lunettes, là, oublie ça, t'es dans la merde, là. T'sais, un super soldat, c'est Captain America, là. C'est pas ça, là. Non, c'est ça, moi, quand j'écoutais ce film-là, tout le long, je me disais, ce qui me manque, là, c'est une bière puis deux autres personnes pour l'écouter. Oui. c'est ça qui me manquait, là. Parce que, sérieusement, là, c'est vraiment... C'est du so bad, it's good qui peut être vraiment trippant, là. Mais tout seul, c'est un petit peu lourd. C'est justement, tu sais, GF, si t'avais été avec, admettons, moi puis Steven, t'aurais pas regardé l'heure, t'aurais pas regardé ton Facebook. Ben non. On aurait ri, on aurait eu un méchant fun à écouter ce film-là. C'est clair. Ça a été vraiment délicieux. Mais là, finalement, chacun de notre côté, tu fais « Ah, oh, Simonin, qu'est-ce que je suis en train de faire là? » C'est parce que ça, le build-up est tellement long, puis qu'un coup, ça décolle, c'est une demi-heure de zombies qui marchent n'importe où, qui sortent de l'eau, qui rentrent dans l'eau, qui sortent de l'eau, puis qui naissent du monde. Oui, puis, tu sais, puis je parlais tantôt de réalisation, puis de montage, tu sais. Puis de monde qui marche dans le bois, mais tu sais, une séquence, il marche de gauche à droite, ça cote, il marche de droite à gauche, ça cote. De haut en bas avec un angle de gauche à droite. Fait que là, t'es comme... Il marche-tu en ligne douette? Ah ben, il tourne en rond, je sais plus, tu sais. Puis à un moment donné, ils disent « On va être perdu ce style-là. » Je sais pas si vous êtes perdu ce style-là. Vous êtes arrivé, puis la fois d'après, vous êtes arrivé à la maison. Là. Je vous sens pas même bien perdu là-dessus. Là. Tu sais, ça a l'air assez simple. Oui. Puis, tu sais, quand tu s'enfermes dans le frigidaire, là, dans la maison, là, oui. L'autre qui pète sa coche, tu ne comprends pas pourquoi il pète sa coche. Là. Tu sais, y a pas aucune qu'il dit qu'il est claustrophobe, je pense. Là, mais... Ah ouais, limite, peut-être. Là. Mais tu sais, au pire, la fille a juste à lui dire « Hey, check, j'ai enlevé les lunettes d'un tantôt. » Ben, c'est on ça. On a juste à se mettre en gang. Tu sais, au moins, si ça avait été des zombies nazis avec des guns. Oui. Avec des débuts pistolets, ça n'était pas pire. Puis tu sais, c'est con parce que le film débute avec la survivante, on va dire, là, oui. C'est pas un twist, là, mais on sait déjà qui va survivre. Mais tu sais, la manière que l'intro est présentée, t'as la fille qui parle en voix off, puis là, comme tout ce que je me souviens, c'est le bruit des vagues sur le bateau, puis je me dis, OK, moi, il a l'air d'avoir peut-être de quelque chose de recherché psychologiquement, puis des dialogues, mais finalement, il y a juste ce moment-là, puis après ça, tu reviens à la fin, puis ça se termine de la même manière. Ouais, il n'y a aucune surprise. Psychologique pas développé, la fille est juste comme rendue folle, puis. Ouais, sort de nulle part. Puis tout le long, à chaque fois que j'en parlais, j'essaie de décrire le film à ma blonde, puis j'ai de la misère à dire que c'est des zombies parce que c'est des super soldats. On sait pas vraiment, t'sais, est-ce qu'ils sont morts? Ben, ils ont juste passé 40 ans en dessous de l'eau, puis à devenir tout fripé, là, tu sais. C'est vrai qu'on pourrait pas vraiment dire c'est des zombies. Parce que comme il dit, Cushing, ils ont été. entraînés, tout ça, à survivre à toutes les conditions météorologiques. Ils ont été, ils ont fait des expériences sur eux autres, puis tout. Fait que c'est des super soldats, là, t'sais. On ouais, pourrait... mais survivre 40 ans en dessous de l'eau, je penserais pas que c'est... Non, non, je sais bien, ils sont probablement morts. C'est sûrement qu'ils sont morts, mais... Mais ils ne mentionnent pas au début du film qu'un coup qu'ils meurent, là, ils deviennent en espèce de zombie, justement. Ah, peut-être, ouais. Parce que le film débute avec l'espèce de photo, là, quasiment ouais. documentaire, là, ouais. de voici la troupe qui ont vécu des expériences et qui vont devenir des super soldats. Ah... même la finale, là, où ils finissent par trouver un radeau, puis ils vont se sauver avec les pagaies, puis tout ça. Puis le gars qui se fait pogner, mais t'es comme, mais ils vont-tu être incompétents jusqu'à la fin? Hein? C'est vraiment... Ah, tu sais, c'est... Puis cette finale, où tu sais, finalement, elle est folle à l'hôpital, tu sais, c'était-tu vraiment nécessaire, tu sais? Puis cette intro-là qui va nous gâcher le punch, justement, tu peux pas nous mettre ça... Puis nous mettre un autre intro à la place où on les voit arriver au port. Pis ça. Pis surtout, s'il y aurait eu quelque chose de plus à la fin, une surprise, une révélation, quelque chose, là, c'est oui. ça. On l'a eu, la finale, là, au début. On le sait ce que c'est. Moi, je pensais qu'on allait la voir dans son lit d'hôpital, puis qu'il arrivait un zombie avec un aquarium, parce qu'il faut qu'il y en ait quelque part. Qui sort de la bas de la toilette ou du lavabo. Mais c'est ça, je me disais, moi, en écoutant le film, je suis comme, coudonc, y a-t-il une connexion entre l'eau et les zombies? Parce que, tu sais, un moment, tu vois le zombie blond qui poursuit le créateur Peter Cushing qui sauve. Puis là, tu le vois, il poursuit, puis il est vraiment proche de lui derrière. Après, tu vois Peter Cushing qui se nettoie le visage. Puis là, tout d'un coup, ce zombie-là, il est rendu couché dans l'eau en face de lui. Oui. Alors que c'est logiquement impossible, tu sais. Non, oui, non, t'as raison. Il y a plein de moments de même. Écoute, le monteur était aveugle, je l'ai dit. Le monteur était aveugle, il peut pas avoir vu. En même temps, je suis capable d'être indulgent. Je sais que c'est une production avec un budget minime, puis que c'est comme le premier Evil Dead, dans le sens que c'est juste une gang de personnes qui ont été faire un film, mais encore là, je veux dire, les erreurs sont trop grosses puis trop insignifiantes pour pas qu'on puisse la mentionner. C'est pas des erreurs dues au budget. C'est des erreurs d'une équipe incompétente. C'est ça, exact. T'sais, Evil Dead n'avait pas de budget, mais en arrière de la caméra, puis devant la caméra, tu avais du monde de talent, tu sais. Puis ben, c'est ce qui est transmis dans le film, finalement, tu sais. Mais après le film, je me disais, pourquoi ce film-là a un statut culte? Pourquoi, là, récemment, il vient de sortir un Blu-ray 30e anniversaire de Blue Underground remasterisé, puis vraiment l'édition de la mort? J'ai été fouillé un peu pour le fun, puis... Ce film-là, c'est pas qu'il avait un statut culte en tant que tel, c'est qu'il est sorti sur VHS, puis le film a eu un succès à cause de sa pochette, parce qu'on se le cachera pas, l'affiche est vraiment belle, est très réussie, puis elle laisse prévoir un film vraiment bon. Et par la suite, le film a juste disparu. Fait qu'il était impossible à revoir. Fait que tout le monde gardait comme souvenir ou comme vision du film la pochette, puis on savait pas à quoi le film ressemblait. Et le Blue Underground, lorsque la compagnie allait débuter, leur premier film qu'ils ont édité, c'est Shockwave, parce qu'ils ont réussi à retrouver un vieux négatif qu'ils ont réparé, puis ont essayé de leur mieux de le remettre en état, puis ils l'ont sorti en DVD. Et c'est pour ça que le film a comme eu une espèce de statut culte. Mais en tant que tel, c'est pas que le film mérite vraiment son statut culte, parce que le film est vraiment pas bon, là, on se le cachera pas, on le dit, mais c'est vraiment plus à cause de sa réputation, puis le fait qu'il était difficile à découvrir, vu qu'il était introuvable, à part une vieille VHS qu'on aurait pu trouver chez quelqu'un. Non, puis de toute façon, un film culte égale pas bon film. Là, Rocky Horror Picture Show est pas un bon film en soi. Là, c'est... Non, c'est ça, c'est culte pour bien d'autres choses que C'est bien correct, mais... si le film a des fans. Là, moi, j'en suis pas un, mais c'est bien correct. Non, puis à la limite, souvent, t'écoutes un de ces vieux films-là, puis tu fais, j'aurais été fan peut-être à l'époque. Ouais. Peut-être à l'époque, là, j'avais écouté ça à 6-7 ans, j'aurais peut-être trouvé ça cool. Là. Aujourd'hui, même si on est capable de mettre nos lunettes de ce film a été fait en 1977, je vais y pardonner des trucs. Ouais, mais même là. C'était trop difficile. Là, t'sais. Puis t'sais, en même temps, c'est clair parce que le film est pas bon suffisamment pour qu'on, ou correct pour qu'on trouve divertissant, mais il est pas suffisamment mauvais pour qu'on en rise tout seul. Puis non, ça en gang, oui. En gang, probablement. Mais ça m'a rappelé le lac des morts-vivants. C'est le même style de truc où on a une gang de zombies nazis allemands qui sortent d'un lac puis qui viennent attaquer du monde. Sauf que ce film est réputé pour être un des plus bizarres puis mauvais films de zombies. C'est vraiment du so bad is good. Puis j'ai du fun à écouter ça. T'sais, il est comme coté 2,3 sur 10 sur IMDb, mais c'est vraiment le fun. Tandis que lui, il est coté 5,7 sur 10. Je me suis quand même emmerdé là. Puis à part le soundtrack que j'aimais bien, j'ai pas eu tant de fun que ça là, avec Shockwave. Tantôt tu parlais de Peter Cushing qui avait un horaire un peu chargé pendant le tournage. C'est la même année de sortie que Star Wars. Fait que je sais pas si c'était dans les mêmes temps de tournage, mais. J'ai vu que Shockwave était tourné à l'été 75. Fait que je sais pas. Faudrait vérifier là. Mais Mais tu sais. On parle des années, justement, tu sais, que tu mets, Sébastien, tu dis que c'est peut-être à cause de l'année, mais tu sais, 76, t'as The Omen, 78, t'as l'invasion des profanateurs. C'est des bonnes années quand même pour des films d'horreur, tu sais, c'est pas une question oui, de... Oui, sauf que on est quand même conscient, là, tu sais, je repense tantôt, on fait référence à... Caroline, t'as fait référence à des films de science-fiction par rapport à notre... Léviathan. À notre Léviathan, là, t'as fait des films qu'on avait déjà même parlé, là... Colin, cherche les titres. Galaxy là, of Terror, puis tout ça. Tu sais, des trucs comme ça, là, tu sais, qui sont. C'est quoi, c'était début 80, ça? Ouais. Quand on les écoute, on met nos lunettes, tu sais, on met nos lunettes des films de début 80, tu sais, puis qu'on est capable de les apprécier. Puis oui, il y a des exceptions, on a The Omen, puis tout ça, dans les années 70. On les regarde, puis on n'a même pas besoin de mettre nos lunettes. Ah, puis ça joue pas dans la même ligue, là, non plus. Je suis pas des bons exemples, là, parce que. Mais c'est ça, mais même les nanars de cette époque-là, on est capable de. Puisque, regarde, là, je parlais de Star Wars 1 1977, pas besoin de mettre des lunettes pour apprécier Star Wars 1. Non. Mais même avec des lunettes, ce film-là, ça s'apprécie pas. Il faudrait les enlever, puis être aveuglé par le soleil comme un zombie de ce film-là, puis mourir. Peut-être là, t'as, je sais pas, là, tu revis des choses qui se passent. Peut-être ça qui se passe là, aussi, là, c'est que quand ils enlèvent les lunettes, ils font comme « Mais je suis dans quel genre de film, moi? » Non, c'est ça. J'essaie de décrire le scénario à ma blonde, puis elle dit « Ok, fait que si je comprends bien, c'est écrit par un flot de 5 ans. » c'est... Ben, écoute. Qui connaît pas grand-chose à l'histoire non plus, avec les nazis qui sortent de l'eau. Non, je comprends pas. Tu parles du lac des zombies, Steven. Je comprends pas l'idée des nazis qui sortent de l'eau, tu sais. Je sais pas, c'est drôle, sur la pochette de Shockwave, ça dit « Le meilleur film de zombies nazis ». Excuse-moi, mais je pourrais peut-être les compter sur une main le nombre de films de zombies nazis. Ça devait être une joke. Ça devait être une joke en 77, ça devait être le seul, tu sais. Mais là... peut-être, là, fort probable. Tu sais, je veux dire, comme ils ont dû faire une joke de, genre dans le temps de Bide Milo en disant « C'est le meilleur film de bibitte qui sort du derrière, tu sais. » C'est... Ouais, c'est ça, t'es un animal local, c'est le meilleur found footage ever. Je pense que. Est-ce qu'on a fait le tour ou on voulait encore taper dessus? Non, je pense que c'est bon. Vos recommandations, les gars? Jeff? Ah, fuck, man. Ah, moi. C'était quoi en dessous de location? C'est... ben, c'est rien. C'est rien pour tout. Il n'y avait rien. Ah, passez votre tour, il y a d'autres choses meilleures que ça. Ah, ouais. C'est une perte de temps. À moins pour voir peut-être Brooke Adams en costume de bain, mais à part ça. Là. Même là, d'après moi, si on check sa filmographie, Brooke Adams. Ah oui. Attends, c'est pas la plus belle fille au monde. J'aurais mieux l'apprécier. L'invasion des profanateurs. Oui, c'est vrai, là-dedans, justement, 2 ans plus tard. Ouais. Un an plus tard. Ouais, je pense qu'elle est encore plus belle là-dedans. Ouais. Non, on fait que ça. Steven? Passez votre tour. Acheter soit le soundtrack qui est probablement le meilleur élément du film ou acheter le lac des morts-vivants qui est un bien meilleur puis bien plus fun film de zombie nazi. Moi je dirais si un moment donné vous le tombez dessus en location, louez-le, allez vous chercher une bière, des chums, vous allez avoir du fun. Sinon, passez votre tour. Alors ce sera une location si vous voulez vraiment avoir du gros fun noir de So Bad It's Good, parce que je pense qu'il y a vraiment matière à ça. Donc, c'est ce qui conclut notre super segment sur le commando des morts vivants. C'est peut-être la meilleure chose qu'il y avait sur le film, finalement, la traduction du titre en français. Et avant la conclusion, on se laisse en musique avec Muse et la chanson Psycho de leur nouvel album Drones. On se rejoint tantôt! Donc, c'est ce qui conclut notre épisode numéro 47. C'est bien ça, les gars? Je pense que oui. Ouais. Bon, 47. Bon, au pire, on se trompera, puis vous vous en foutez de toute façon. L'important, c'est qu'on soit là. Donc, on vous rappelle le Twitch de Pierre. Vous vous ennuyez de lui pendant les épisodes, mais il est toujours là sur Twitch. C'est le côté gamer de l'horreur gamer. Jeff, tu avais l'adresse exacte? Oui, l'adresse exacte, c'est twitch.tv, twitch.tv/horreurgamer en un seul mot. Puis si vous avez vous continuez, vous faites /profile, profil avec un E, vous arrivez sur sa page, puis vous avez ses diffusions précédentes, puis certains de ses temps forts, s'il n'est pas live, là, vous pouvez voir ses anciennes vidéos. Cool. Puis c'est ça. Mais allez checker ça, Twitch, c'est toujours très cool. Toujours des belles façons de découvrir des jeux, que ce soit Pierre ou d'autres Twitchers. C'est vraiment cool. Donc, Bras de faire des films, on a un épisode bientôt. Oui, là on est le 2 octobre ce soir. Durant la semaine, dans les prochains jours, on va en enregistrer, puis durant la semaine, ça va sortir. C'est pas Léviathan, c'est l'aventure du Poséidon, la version 1972, puis City Hunter avec Jackie Chan en 93, si je ne me trompe pas. Et ouais, ça s'en vient. Fait c'est que, quoi le lien entre les deux? C'est des films qui se passent sur des bateaux. Qui se passent sur un bateau de croisière. Exact. Cool. Puis, comment ça s'appelle Croisière en péril? Ah, demande ça à Steven, il y a celui qui a choisi des films. Steven, je t'en veux. Tu voulais un gars de karaté, puis t'avais Cuirassé en péril avec, comment qu'elle s'appelle, qui sort du gâteau? Éric Colignac, oui. C'est vrai. Bon, mais Jeff, il a déjà vu Under Siege. Oui. Tu l'as vu, Jeff? Oui. Je pense que j'ai vu les deux. C'est vrai, c'est une bonne idée, Seb, t'as bien raison. Écoute, mais en tout cas, regarde, ça c'est vos choix, vous vivrez avec. En Mick Jagger. Fait que ça, c'est sur le bras de faire des films.com, tout est là-dessus. Yes, on a toujours les 31 jours d'horreur. Suivez la liste, partagez vos films que vous écoutez, suivez-nous. On est là pour discuter, puis pour triper ensemble, puis se donner des suggestions. Donc, si ça vous tente de suivre la liste, suivez-la, sinon... Bien à vous, et on va être bien curieux de savoir qu'est-ce que vous écoutez. Ah, puis on veut vos commentaires et vos opinions, là, puis soyez pas gênés, là. Ah oui. Si vous trouvez que Suspiria, c'est la crise de merde, ben dites-le, il n'y a aucun problème. Assumez vos opinions, il n'y a aucun problème, là, tu sais. Ah oui, écoute. Ouais. On n'est pas ici pour juger personne. Ben non. Juste Steven. Et puis là, j'ai même pas été méchant. Regarde, là, hein, tu sais, même quand je décide que... Et même quand j'annonce que je vais être méchant, je ne sais pas. Pierre va m'en vouloir. Ça me manque quand Pierre est méchant avec moi, puis elle me dit que méchant, c'est la crise de merde. Ça manque. Puis je vous rappelle aussi la page Facebook de mon ami Laurie, L-O-R-Y, pour ses peintures. Donc, ce serait très cool pour quelques likes. Je suis sûr qu'elle serait très contente. Puis, on se retrouve bientôt pour un épisode, pas un épisode thématique, pas tout à fait un épisode tour de table, mais oui, pour nos 31 jours d'horreur, où on va discuter un peu de ce qu'on écoute pour notre marathon. Sur ce, portez-vous bien et... Gardez ça horreur. Gardez ça horreur. Merci, gardez ça horreur. Ciao. Ciao. Le petit poisson damnation. Oh. Il est dead, le petit poisson. Il est dead.